Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Discothèque Classique. Discothèque Classique, c'est votre rendez-vous avec la musique classique tous les samedis et dimanches de 11h à midi sur Fadjet. Eh bien, merci d'être fidèle à votre rendez-vous classique sur Fadjet les samedis et dimanches à 11h. Et on va continuer l'émission d'hier. Et l'émission d'hier était essentiellement consacrée à Seiji Ozawa, chef d'orchestre que j'adore, que j'adorais, puisqu'il nous a quittés il y a quelques semaines, malheureusement, quelques jours. Et un chef d'orchestre qui a beaucoup, beaucoup compté dans la vie musicale planétaire. L'une des grandes spécialités de Seiji Ozawa, comme je le disais hier, c'est la musique française. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il avait gagné le Grand Prix de Besançon de chef d'orchestre en 1959, qu'il avait ensuite eu pour mentor, entre autres, Charles Munch, qui lui a confié la direction de son orchestre symphonique de Boston, et on sait combien Charles Munch dirigeait le répertoire français, qu'il s'agisse de Debussy, Ravel, Honegger, Poulenc et les autres. Et Berlioz, bien évidemment. Seiji Ozawa, d'ailleurs, avait une vraie passion pour Berlioz, mais pas que, il aimait aussi beaucoup Bizet. Et c'est justement dans Bizet qu'on va le retrouver. Lors son enregistrement de la symphonie en ut, en 1982, réalisé avec l'Orchestre National de France, qu'on a déjà écouté dans l'émission d'hier, mais c'est pas très étonnant, parce que Seiji Ozawa avait un très très bon contact avec les orchestres français, et il avait l'habitude de venir à Paris, il adorait Paris, pour diriger et l'Orchestre de Paris et l'Orchestre National, et il a laissé bien sûr aussi de nombreux disques avec ces deux orchestres. On va le retrouver donc dans Bizet, le scherzo de la symphonie en ut, qui est une œuvre de jeunesse de Bizet. Il l'a composé à 17 ans et puis ensuite il l'a oublié dans un tiroir, on peut dire comme ça, mais il l'a trouvé un peu décousue, pas très bien faite. Donc il a préféré l'oublier, et pourtant que de richesse, et quelle belle œuvre que cette symphonie en ut, qui fut redécouverte dans les années 1930 grâce au chef d'orchestre allemand Felix Weingartner, qui en donna la première audition. Et c'est une symphonie qui est un peu teintée des premières symphonies de Schubert. Voici le scherzo avec l'Orchestre National de France et Seiji Ozawa. Thank you. Le scherzo de la symphonie en ut de Georges Bizet avec l'Orchestre National de France et Seiji Ozawa. Seiji Ozawa en quelques dates. Alors en 1935, c'est sa naissance en Mandchourie, qui est une province chinoise mais qui à l'époque était sous occupation japonaise. 1941, début de la Seconde Guerre mondiale, il part à Tokyo, il commence des études de piano sérieuses. Et puis dans la foulée, il se casse deux doigts en jouant au rugby. Donc le piano fini, et c'est dommage parce qu'il était vraiment bien parti. Il envisageait déjà, enfin ses parents envisageaient déjà pour lui une carrière de concertiste. Donc, on se replie sur la direction d'orchestre. En 1959, il gagne le concours des chefs d'orchestre de Besançon, concours tout à fait fameux et qui existe toujours d'ailleurs. Début des années 60, début de sa collaboration avec Herbert von Karajan, il fallait quand même approcher le maître, tout à fait fructueux. Quelques années plus tard, Bernstein le remarque et il le pique à Karajan, mais Karajan avait dit à Seiji Ozawa « Si Bernstein vous appelle à New York, allez-y, ça sera formateur pour vous » et c'est l'un des rares chefs d'orchestre de sa génération à avoir étudié et à la fois avec Karajan et auprès de Leonard Bernstein. Et puis 1967, rencontre avec Charles Munch qui était directeur de l'orchestre symphonique de Boston et qui va lui confier son orchestre un peu plus tard. Parmi les grandes amitiés musicales de Seiji Ozawa, j'ai évoqué hier matin Alexis Weissenberg et Slava, Mislav Rostropovitch, et puis il y a aussi Isaac Perlman, fameux violoniste, né en 1945 à Tel Aviv, et atteint de poliomyélite et qui va donner beaucoup de concerts et jouer beaucoup avec Ozawa, notamment aussi au disque. On va les retrouver ensemble dans un concerto d'Henryk Wieniawski, c'est un compositeur polonais qui était particulièrement virtuose, l'un des plus grands violonistes de la seconde moitié du 19e siècle. Il était né en 1835, il est mort en 1880. Voici Allegro con fuoco à la hongroise de son deuxième concerto pour violon, Itzhak Perlman, le London Philharmonic Orchestra et Seiji Ozawa. évidemment, c'est très virtuose, ces concertos d'Henryk Wieniawski, compositeur polonais, un peu le compositeur équivalent de Chopin pour le violon, son deuxième concerto pour violon avec Isaac Perlman et le London Philharmonic Orchestra, était dirigé par Seiji Ozawa. Un peu d'opéra maintenant avec Mozart et l'un de ses opéras de jeunesse, entre guillemets. Pour un compositeur mort à 35 ans, c'est difficile de parler de vieillesse, évidemment. Donc la Finta Giardinera, la fausse jardinière. Alors de quoi il s'agit? C'est un marivaudage. La fausse jardinière, c'est une marquise qui se déguise en jardinière pour pouvoir récupérer son amant. Voilà, en quelques mots, c'est à peu près le thème de l'opéra. Des airs magnifiques qui annoncent les opéras à venir, notamment Don Giovanni, Così fan tutte le nozze, évidemment, tous les grands opéras. Et je vous propose d'écouter l'un de ces airs tirés de la Finta Giardinera, Dolce d'amor compagna, avec la voix de Anne-Sophie von Otter, mezzo-soprano, et The English Concert, dirigé par Trevor Pinnock. Un air tiré de la Finta Giardinera, la fausse jardinière, opéra de Mozart de 1775, avec Anne-Sophie Vonnöther, mezzo-soprano, et The English Concert, dirigé par Trevor Pinnock. Retrouvons à présent notre cycle des sonates pour piano de Beethoven. Il y a les 32 sonates à présenter. Je vais essayer de les présenter chaque semaine. Peut-être certaines semaines, nous n'aurons pas ce petit rendez-vous. Mais bon, on retrouvera les sonates la semaine suivante. Bref, on en est à la sonate numéro 6. Ah, c'est pas la plus connue. Peut-être la moins jouée, peut-être l'une des moins jouées. Pas pour autant la plus insignifiante, mais qui fait partie d'une trilogie de 3 sonates, 4, 5, 6... et une œuvre qui date de 1795-96, 3 sonates qui ont été publiées ensemble. Voici le final presto par Stephen Kovacevic. Finale de la sonate numéro 6, le presto joué par Stephen Kovacevic. Et voici Johann Strauss-Fils. Johann Strauss-Fils, évidemment, compositeur de valse, très présent au concert du Nouvel An. Et Seiji Ozawa a dirigé une seule fois le concert du Nouvel An, concert traditionnel, suivi par des millions de téléspectateurs et d'auditeurs à travers la planète. C'est en 2002, avec un programme très ouvert. En même temps, on retrouvait vraiment les standards du répertoire de la musique légère viennoise, avec l'ouverture de la chauve-souris, les valses aquarelle, sans viennois, vie d'artiste, sans oublier bien sûr le beau Danube bleu qui conclut toujours ce fameux concert. Seiji Ozawa connaissait bien aussi Vienne, il était évidemment surtout sur le continent américain, c'est là qu'il a beaucoup dirigé, et puis quand il venait en Europe c'était principalement la France, mais il a aussi été très apprécié dans les pays austro-allemands, et c'est le premier chef d'orchestre japonais à avoir accompli une carrière internationale à ce niveau-là. On va le retrouver dans l'une des valses les plus célèbres de Johann Strauss-Fils, c'est « Sans Viennois », le concert du Nouvel An 2002, on est à Vienne, avec bien sûr l'Orchestre Philharmonique. Thank you. Cent Viennois, valse de Jan Strausfiss, interprété par l'Orchestre Philharmonique de Vienne, dirigé par Seiji Ozawa lors du concert du Nouvel An 2002. On va retrouver Mozart et puis Anne-Sophie Vonnoter. Tout à l'heure, on l'a écouté dans un opéra assez méconnu, enfin pas souvent joué, de Mozart, la Finta Giardinera. La voici maintenant dans les Noces de Figaro et un tube mozartien vraiment à l'opéra. C'est Voyke Sapete, tiré des Noces de Figaro. Anne-Sophie Vonnoter, mezzo-soprano, et The English Concert, dirigé par Trevor Pinnock. L'air célèbre, Voyke Sapete, tiré des Noces de Figaro de Mozart avec Anne-Sophie Vonnoter, The English Concert, Trevor Pinnock. Une œuvre un peu méconnue maintenant, et même très méconnue, c'est le Quatuor de Verdi. Ah bah oui, quand on pense à Verdi, on pense opéra, mais pas à Quatuor. Il en a écrit qu'un seul, hein, il faut dire. Et c'était plutôt un exercice qu'autre chose. Il attendait la création d'Aïda, et peut-être un peu désœuvré, et pour se prouver à lui-même qu'il était capable aussi de sortir de l'opéra, il a composé ce Quatuor qui se termine par une fugue, donc un exercice d'écriture particulièrement difficile dans la composition. Fugue d'ailleurs qui n'est pas sans annoncer celle qui conclut son dernier opéra, Falstaff d'après Shakespeare, dernier opéra de Verdi qui se termine aussi avec une fugue où Falstaff dit bah, « le monde finalement n'est qu'une comédie bah, ». Il n'a pas tort. Hein. Allez, voici cette fugue tirée du Quatuor de Giuseppe Verdi par le Quatuor Artemis. Thank you. Fugue finale du quatuor de Giuseppe Verdi. Eh oui, Verdi dans la musique de chambre par le quatuor Artemis. On retrouve Seiji Ozawa avec Bizet. On a ouvert l'émission avec la symphonie. Eh bien, voici la musique de scène pour l'Arlésienne, drame d'Alphonse Daudet, auquel donc Bizet a composé une musique de scène. Il a tiré deux suites destinées à être jouées au concert. Et toujours ce thème de Seiji Ozawa et de la France, qui a été un pays, presque sa deuxième patrie. C'est vrai qu'il était beaucoup aussi aux États-Unis. Il a passé plus de temps d'ailleurs aux États-Unis que dans n'importe quel autre pays, et même au Japon, son pays d'origine. Mais il avait un attachement particulier à la France, qui a été reconnaissante, puisqu'en 1998, il a été honoré et décoré de la Légion d'honneur. Eh oui. Alors voici le carillon de la première suite de l'Arlésienne de Georges Bizet avec l'Orchestre National de France et Seiji Ozawa. Le Carillon, tiré de la première suite de l'Arlésienne de Georges Bizet, avec l'Orchestre National de France, direction Seiji Ozawa. On va retrouver Seiji Ozawa dans Bartok, parce que ça, c'est aussi un compositeur qui a beaucoup compté pour lui. Il l'a très très souvent dirigé, Béla Bartok, le concerto pour orchestre, qui est une œuvre de la fin de la vie de Béla Bartok. Aussi, je voulais préciser que Seiji Ozawa a une démarche tout à fait étonnante, parce qu'il a rendu hommage à son maître, Saito Kinen, en créant un orchestre qui s'appelait le Saito Symphony Orchestra, composé des musiciens japonais qui étaient dans les orchestres du monde entier, une sorte de diaspora japonaise qu'il réunissait quelques mois par an pour faire des concerts. Il a enregistré d'ailleurs quelques disques, presque une intégrale des symphonies de Beethoven et puis les symphonies de Brahms. Et c'était pour lui important aussi de développer, bien sûr, la musique classique dans son pays, le Japon, et une façon aussi de se retrouver avec les siens. Voici donc Béla Bartok, le concerto pour orchestre, l'intermezzo, interprété par le Chicago Symphony Orchestra, dirigé toujours par Seiji Ozawa. L'intermezzo du concerto pour orchestre de Béla Bartok, l'orchestre symphonique de Chicago, Seiji Ozawa. Et on termine là encore avec un compositeur où il a excellé, notre Seiji Ozawa, c'est Stravinsky, l'oiseau de feu, sa plus belle version à mon avis, qui domine celle de l'orchestre symphonique de Boston, c'est celle avec l'orchestre de Paris en 1973. Voici le final de l'oiseau de feu, donc dans cet enregistrement dirigé par Seiji Ozawa. Finale de l'Oiseau de Feu d'Igor Stravinsky avec l'Orchestre de Paris dirigé par Seiji Ozawa. Voilà, c'est terminé pour ce week-end. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine, samedi et dimanche, à partir de 11h sur Fadjet. Bonne semaine à toutes et à tous.